Bonjour, il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose suite au dernier live. Nico Moss, à quand une vraie discussion sur le double et les possibilités de modifier le réel, entre parenthèses, tout le reste est du blablabla. Première des choses, avant de me suggérer de quoi je devrais parler, il faut comprendre de quoi on parle. Le réel, ça se modifie pas. Ça s'intègre. Le réel, ça se modifie pas. Enregistre là. Le réel, ça se modifie pas. Ça s'intègre. Et là, il y a une modification de toi. On n'est pas censé être dans le corps de désir d'avoir du pouvoir, là. C'est pas à l'ego. C'est pas. Ça va pas partir de l'ego, là. Puis l'affaire de prise de contact avec le double, si il y a le fait qu'on est dans le corps de désir d'avoir des pouvoirs, le double contact, ça va être difficile. Ça va être très difficile, à moins d'une remise à niveau violente, d'une intégration du réel au niveau de la réalité, ça ne se modifie pas de même. Là, je parle de la réalité, mais le réel, ça ne se modifie pas pantoute. Ça s'intègre de plus en plus. Et là, le travail, le vrai travail. Puis le double, il se constitue à mesure que ces vieilles illusions naïves-là tombent. Donc, l'affaire de vouloir acquérir le pouvoir de modifier le réel, ça, c'est toute de la marde. On n'est pas dans une quête de pouvoir magique, là. C'est pas ça, là. Il y a des forces au niveau d'une accélération de l'intégration qui vont s'assurer que vous ayez plus ce genre de désir-là. Si vous êtes dans le corps de désir de vouloir modifier le réel, c'est-à-dire, si on peut dire, entre guillemets, de la magie, c'est pas avec le double que vous allez prendre contact. Ce qui va arriver, c'est que tout ce corps d'illusion-là va rendre opaque la possibilité de contact, et ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez avoir contact avec des choses qui se font passer pour le double. Du parasitage. Et il est là, le danger. Donc, là, avant de me dire de quoi je devrais parler, là, puis de ne pas voir que au niveau de l'émission, d'une vibration, puis de l'exercice de la parole, que c'est juste du blablabla, il faudrait commencer par comprendre de quoi on parle. Le réel, ça se modifie pas. Surtout pas au niveau d'un corps de désir dans l'ego. Ça fait que j'ai trouvé ça pas mal niaiseux comme commentaire. Tellement que ça m'a mis en maudit de voir ça, de voir que je suis encore obligé de faire des ajustements de même. Puis il y a une sélection par rapport à ce que je dis. Je ne vais pas me mettre à parler de choses trop. Je vais pas aller trop loin. Quand c'est sur YouTube. Parce qu'il y a une sélection de à qui je parle, quand je parle, pourquoi je parle, de quoi je parle, de tout. Bon. Est-ce que c'est compréhensible, ça? De se rendre compte que non, je ne vais pas me mettre à parler de certains sujets qui peuvent être dangereux pour l'équilibre de certaines personnes qui sont déséquilibrées, justement. Parce que l'affaire, là, de vouloir changer le réel, là, il y a un problème. Ce n'est pas de la volonté, ça, c'est du désir d'acquérir un pouvoir. Puis ça, c'est de l'illusion. Ça, c'est des grosses illusions. Donc, j'espère que c'est compris. Bonne journée.